Nous ouvrons la voie à la voie lactée. Dans un galop de son et de lumière, nous bâtissons l'éternité. Nous sommes les templiers de l'univers. Nous sommes pensées, nous sommes prières. Et nos âmes à l'unisson chante la gloire de la création. Le temps n'est qu'un éclair, un roulement de tonnerre. De ce mystère est née la vie. Le mystère est née la nuit. Tisser la vie et la mort dans ce lit où la mort s'endort. C'est ainsi qu'est né l'aurore. C'est ainsi qu'est né l'aurore. Le temps n'est qu'un éclair, un roulement de tonnerre. De ce mystère est née la vie. Le mystère a vu le jour, la nuit. C'est pourquoi le soleil arrive en entendant cette mélodie. Nous sommes les chevaliers des lumières. Nous ouvrons la voie à la voie lactée. Dans un galop de son et de lumière, nous bâtissons l'éternité. Nous sommes les templiers de l'univers. Nous sommes pensées, nous sommes prières. Et nos âmes à l'unisson chantons la gloire de la création. Nous chantons la gloire de la création.